Un nom content d'aujourd'hui, Fabien Nocher, qui est historien spécialiste du 19e siècle. À l'origine, je crois que tu es physicien, c'est bien ça? Oui, il y a très longtemps. Il y a très longtemps, si on nous dit, antérieur, tu avais été physicien. Et là, tu t'intéresses à l'histoire environnementale, c'est ce dont tu vas parler aujourd'hui. Le texte qui accompagne cette séance, c'est un texte de Dupé Chakrabarty qui s'appelle « Le climat de l'histoire », qui a été traduit en français dans cette excellente revue, la Revue internationale des livres et des idées, dont tu vas peut-être parler. Voilà, le cahier de présence circule, il s'agit de le signer. Qu'est-ce que tu as la parole pour 45 minutes, une heure, ensuite on fera, je crois, comme d'habitude, une petite pause, et puis on répondra les questions. Voilà. Très bien. Merci Razmi de cette présentation. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de climat. Comme c'était indiqué dans le programme, le titre que j'ai donné, une histoire politique du climat, je vais un peu m'expliquer sur ce point. Je vais essayer de montrer en quoi une histoire politique du climat peut contribuer à une pensée critique contemporaine. Et je vais le faire donc du point de vue de l'historien, et donc une de mes grandes idées, ce sera que l'historicisation est une arme critique particulièrement aiguë, notamment dans le champ de l'environnement et du climat. Le point de départ que je voulais prendre aujourd'hui, c'est effectivement ce texte de Dipesh Chakrabarty, Le climat de l'histoire, 4 thèses, qui a été publié en 2009 dans la revue Critical Inquiry, donc une des plus grandes revues dans le domaine des études critiques aux États-Unis. Dipesh Chakrabarty, c'est un historien d'origine indienne qui est aujourd'hui professeur à l'Université de Chicago et qui occupe une place centrale dans la pensée critique américaine. L'année prochaine, il prendra la place de John Scott à Princeton, qu'occupait John Scott. Donc c'est vraiment un des grands noms de l'université américaine et des études critiques américaines. Jusque-là, il ne s'était pas du tout intéressé au climat, c'est un spécialiste donc de l'écriture de l'histoire, de l'historiographie, et c'était un de ceux qui a accompli ce formidable travail théorique qui est la déconstruction des modes occidentaux, on peut dire, d'écriture de l'histoire. Son idée, c'est de dire, voilà, il faut provincialiser l'Europe, dans le sens où il faut écrire une histoire, des sociétés qui ne soient pas une histoire vue du point de vue européen, une histoire écrite sur une échelle comme celle de développement qui serait celle de la pensée occidentale et de ses catégories. Donc il a pris un tournant assez net en 2009, qui a étonné d'ailleurs une partie de ses élèves, un tournant qui est une sorte de climate turn vers des études sur le climat. Et cet article est la première manifestation de ce tournant pour Chakrabarty, et qui devrait se manifester bientôt par la publication d'un livre sur la question du climat de l'histoire. Dans son article, publié en 2009 dans Critical Inquiry et traduit et publié dans la Revue des Livres et des Idées en 2010, Chakrabarty s'intéresse à l'écriture de l'histoire au temps du changement climatique. C'est essentiellement une réflexion sur l'écriture de l'histoire, plus peut-être que sur la crise climatique elle-même. Il part, je ne vais pas consacrer trop de temps à l'analyse en détail du texte, c'est vraiment un point de départ pour moi. Je peux dire que son texte, essentiellement, c'est une façon de prendre en compte ce qu'on appelle l'entrée dans l'anthropocène. L'anthropocène, c'est un terme qui avait été proposé par le prix Nobel de chimie Paul Crutzen, un de ceux qui a montré l'influence des CFC sur l'ozone, et donc un de ceux qui a explicité le mécanisme de dégradation de la couche d'ozone. Donc Paul Crutzen avait proposé, il y a quelques années de ça, de qualifier notre temps comme celui de l'anthropocène. L'anthropocène, c'est cette époque dans laquelle on vivrait aujourd'hui, une époque où l'homme est aux commandes du système Terre, on peut dire. C'est cette idée que l'homme, désormais, exerce une telle pression sur la biosphère, mais aussi la lithosphère et l'atmosphère, une telle pression que, il est une force géologique. Ça veut dire qu'il transforme le climat terrestre, il capte à son avantage une part très très importante de la photosynthèse, il est aux commandes du système Terre parce qu'il transforme les continents à une grande échelle, parce que par exemple il est capable de faire de la géo-ingénierie atomique, c'est-à-dire de créer le plus grand cratère terrestre dans le désert du Nevada, mais aussi parce qu'il est capable de faire de la pollution dans l'espace spatial proche. Bref, il est vraiment une force qui drive le système Terre. Pour Chakrabarty, le fait de reconnaître qu'on est entré dans l'anthropocène, c'est quelque chose d'important pour l'écriture de l'histoire, parce que selon lui, ça oblige à une réconciliation. Cette réconciliation, c'est la réconciliation qu'on peut imaginer, prévoir, entre l'histoire de la nature et l'histoire des sociétés. L'idée de Chakrabarty, c'est que depuis le XVIIIe siècle, il y a deux voies qui sont dessinées. une histoire des sociétés humaines, bon, bah, l'histoire telle qu'on la connaît, hein, l'histoire sociale, politique et culturelle, celle des régimes politiques, des guerres, des luttes sociales, l'histoire des comportements, l'histoire, toutes les formes d'histoire concernant les sociétés humaines. Et puis l'histoire de la nature qui aurait été déléguée comme ça aux savants, géologues, climatologues, etc. Donc une histoire de la nature qui serait plutôt faite par des gens venant des sciences dures. Selon Chakrabarti, l'entrée dans l'Anthropocène nous oblige à dépasser cette dichotomie et à écrire une nouvelle histoire qui serait une histoire de ce qu'il appelle l'espèce humaine. Une histoire qui véritablement prendrait en compte, comment dire, les conditions matérielles, hein, d'existence des sociétés humaines. On pourrait dire que pour Chakrabarti, l'entrée dans l'Anthropocène, c'est quelque chose qui nous oblige à expliciter nos conditions d'existence en tant que société et donc à écrire une histoire conjointement humaine et naturelle. Alors ça a beaucoup choqué et étonné, hein, y compris les élèves de Chakrabarti, cette espèce de tournant vers, une naturalisation des catégories de l'histoire. Parce que écrire l'histoire de l'espèce humaine, ça veut dire d'abord prendre la notion d'espèce, comme ça, en tant que telle, comme une catégorie d'analyse. Et dans son texte, Chakrabarti esquisse quelques critiques de la notion d'espèce, mais relativement modérées. Et puis surtout, il met en avant... comme possibilité de réconciliation de l'histoire, entre l'histoire de la nature et l'histoire des sociétés, une chose qu'on appelle la Deep History, qui est un sous-courant de l'histoire américaine, et qui est une espèce de façon d'écrire l'histoire des individus sur la très longue durée. Il y a quelqu'un qui est représentatif de ce courant, qui est Daniel Smale, qui écrit ce qu'on appelle parfois une histoire de la cognition, ou une histoire du cerveau, c'est-à-dire qu'il écrit une histoire qui est une histoire des mutations subi par le cerveau humain au cours de l'évolution historique. Donc quelque chose de très naturalisant, j'allais dire, qui véritablement prend les outils scientifiques comme ça, comme des données, et pas forcément comme des catégories à analyser. Donc l'étonnement, hein, vient du fait que Chakrabarti était porté à la déconstruction relativement aux catégories historiques, mais par contre, quand il s'agit de science, eh bien, prenez ces catégories comme données. On a parlé même du scientisme, hein, Chakrabarti, et pour avoir parlé à des gens qui travaillent avec lui, eux mettent ça sur le compte de son caractère en disant que c'est l'homme du... On m'a dit que c'était, voilà, l'homme du contre-pied, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui cherche toujours à prendre le contre-pied, et là, effectivement, c'est bien le cas avec cette théorie de du dépassement et d'une histoire de l'espèce humaine comme futur de l'histoire. Alors, c'était... Ce travail est parti d'une réaction qu'on a eue avec un collègue, Jean-Baptiste Fressoz, en réaction à ce texte, en tant qu'historien, qui nous a choqués sur de nombreux points. Ça a donné lieu à une réponse de notre part, donc, qui vient de publier dans Critical Inquiry, numéro de printemps 2012, sous le titre « Le climat fragile de la modernité », et c'est essentiellement ce dont je veux parler aujourd'hui. Ce qui nous a frappé dans le texte de Chakrabarti, c'est essentiellement l'espèce d'esprit commun, hein, qui partage avec un certain nombre d'autres thèses concernant le rapport entre l'homme et l'environnement. Ces thèses sont multiples. On peut parler de Ulrich Beck avec son idée de société du risque ou de modernité réflexive. C'est aussi la thèse de Giddens avec l'idée de haute modernité. Et puis l'idée de Radkau, l'historien Radkau, des lumières vertes. En gros, l'idée générale, c'est qu'on est rentré dans une phase de réflexivité environnementale. C'est-à-dire qu'on a conscience, maintenant qu'on exerce un effet sur l'environnement, que ces effets ont eux-mêmes des effets en retour, des effets boomerang, et désormais, on a compris, voilà, c'est vraiment cette idée de lumière verte, hein, de Radkau, on est rentré dans une phase de conscience, et notre action peut donc être guidée par cette nouvelle conscience qu'on peut avoir de notre effet sur l'environnement. C'est donc une façon d'analyser la crise environnementale, une façon tout à fait particulière, en mettant en avant une nouvelle formation intellectuelle et théorique, qui nous amènerait à comprendre tout le mal qu'on fait à l'environnement, essentiellement. Alors ça nous paraît essentiellement fou en tant qu'historien, et ça nous paraît avoir des conséquences politiques assez fondamentales, et c'est en cela que je pense que c'est une contribution aux pensées critiques. Que notre réponse est une contribution aux pensées critiques. L'idée générale, c'est de retourner finalement aux textes historiques, aux archives, et voir effectivement hein, ce qu'il en était du climat au XVIIIe, au XIXe, au XXe siècle. Y avait-il vraiment division entre histoire de la nature et histoire des sociétés? Est-ce que le climat était considéré comme une entité fixe sur laquelle les hommes n'avaient aucune prise? Est-ce que les sociétés du passé avaient une réflexivité environnementale très basse? C'est-à-dire que, essentiellement, est-ce que les sociétés du passé ont dégradé leur environnement sans s'en rendre compte? Sur tous ces points, on voudrait répondre à la fois que Chakrabarti a une mauvaise compréhension historique hein, de la notion de climat et que par ailleurs, la réflexivité environnementale des sociétés du passé était bien plus importante qu'on peut le penser. Pour vraiment comprendre ce point, il faut revenir tout simplement à la définition au départ de la notion de climat au XVIIIe et au XIXe siècle. Le point est assez compliqué parce que le climat du XVIIIe et du XIXe siècle, ce n'est pas le climat de 2010 et ce n'est pas non plus le climat de 1960. Aujourd'hui, le climat, vous savez, c'est essentiellement défini comme la valeur moyenne de la température, de la pression, des précipitations, la valeur moyenne de tous ces paramètres et puis aussi les écarts types, c'est-à-dire est-ce que les pluies varient, est-ce qu'on varie très nettement entre sécheresse et surabondance de pluie ou alors est-ce qu'on a des pluies régulières. Enfin, le climat est défini essentiellement comme, comme un état moyen des paramètres atmosphériques. Donc c'est une entité assez simple, hein, définie par les instruments météorologiques. Au XVIIIe siècle, ce n'est pas du tout le cas. Et c'était un de nos premiers étonnements quand on est allé y voir. C'est que le climat au XVIIIe siècle ressemble beaucoup plus à ce qu'on appellerait aujourd'hui environnement. C'est quelque chose de très large qui concerne à la fois la pluie, la sécheresse, la présence d'orages, mais aussi la qualité des sols, la qualité de la lumière, les émanations, c'est-à-dire y compris les odeurs, les exhalaisons, qui sont aussi les catégories du XVIIIe siècle qui concernent à la fois l'odeur et la médecine. C'est aussi, donc je dis la qualité des sols, le relief. Bref, le climat, c'est tout ce qui, au XVIIIe siècle, c'est tout ce qui détermine la qualité des lieux, on peut dire. C'est conçu comme un ensemble de processus qui détermine la qualité de chaque lieu. Et donc le climat de chaque lieu, c'est ce qui est en jeu dans toutes les théories climatiques au XVIIIe siècle. Alors pourquoi c'est fondamental le climat au XVIIIe siècle? C'est parce que la médecine est essentiellement inspirée d'Hippocrate à ce moment-là. C'est-à-dire que l'idée est que le climat détermine les états de santé et de maladie. Donc évidemment, c'est pas peu de choses, hein, c'est-à-dire le climat d'un lieu va rendre malade, va rendre nerveux ou mélancolique, et éventuellement va faire mourir le bétail, hein, puisque la théorie d'Hippocrate s'étend aussi aux animaux. C'est dire que la médecine du XVIIIe siècle est une médecine environnementale, on le dit parfois, c'est comme ça, même si évidemment le terme est complètement anachronique. Je rappelle pour mémoire que le terme environnement, dans le sens contemporain, s'impose essentiellement en 1970. Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, le terme environnement existe, mais il n'a pas du tout le même sens. Il est beaucoup plus restrictif. Le climat au XVIIIe siècle, c'est donc cette chose polymorphe, dynamique, et qui crée les états de santé et de maladie, et qui est aussi fondamental, parce que à ce moment-là, cet environnement climatique, hein, il façonne les êtres. On est avant l'ADN, on est dans un monde où l'identité biologique est considérée comme très labile, et donc on a cette idée que, non seulement que le climat va transformer les états de santé de maladie, mais transformer la nature même des êtres, des animaux, mais aussi des hommes. Et c'est un point qui va être essentiel, on va voir, pour la politisation de la catégorie de climat que je vais décrire. Alors, je voudrais tout de suite dissiper un malentendu hein, concernant cette notion de climat. Pour qualifier notre approche, on fait l'histoire des représentations. C'est-à-dire qu'on s'intéresserait finalement à ce qui, pour les hommes du XVIIIe siècle, passait pour climat, ou alors ce qu'ils essayaient de percevoir des évolutions climatiques, définies dans le sens contemporain, avec des catégories, malhabiles. Hein. Donc, l'idée qu'on ferait une espèce d'histoire des représentations du climat définie au sens contemporain. Donc là, le point est un peu... parce que le point est peut-être difficile à saisir, mais c'est pas ce qu'on fait. Nous, ce qu'on essaie de regarder, c'est des catégories, qui étaient des catégories d'action et de réflexion, celles des hommes du XVIIIe siècle, des catégories avec lesquelles ils essayaient, et ils parvenaient, hein, à saisir le monde physique autour d'eux. C'est-à-dire que la catégorie de climat, telle que je la décris, c'est pas une espèce de catégorie mal adaptée qu'ils auraient utilisée et qu'on essaierait de déconstruire. C'est vraiment, on essaie de montrer, hein, qui pensait vraiment la nature en ces termes et qui pensait y compris des phénomènes qu'on considère aujourd'hui comme réels. C'est-à-dire que, comme je vais le montrer, à travers cette catégorie étrange de climat, il pensait des transformations effectives et importantes de l'environnement. Comme par exemple, on va le voir, les effets du déboisement massif sur le cycle de l'eau, etc. Donc, je ne vais pas rentrer trop méthodologiquement dans le point, mais essentiellement, notre idée, c'est faire ce qu'on appelle les science studies, c'est-à-dire une histoire des catégories de pensée, d'analyse, comme ils s'articulent, peut-être tel qu'ils s'articulent avec des pratiques, à propos du climat. Cette catégorie de climat, donc complexe du XVIIIe siècle, elle ressemble à l'environnement, je résume, elle évolue, et elle donnera nos catégories contemporaines de climat. Et donc, faire l'histoire des pensées climatiques au XVIIIe et au XIXe siècle, je résume toujours, c'est pas faire comme ça l'histoire de la représentation du climat du XVIIIe et du XIXe siècle, mais c'est faire la généalogie finalement de cette catégorie aujourd'hui centrale, la catégorie de climat. Alors, pourquoi est-ce que ça nous a intéressé? Pourquoi, en quoi c'est politique? Eh bien, précisément parce que, comme la catégorie de climat est au XVIIIe siècle considérée comme une catégorie qui façonne les corps des hommes et des animaux, elle est immédiatement une catégorie politique. Notre thèse, c'est notamment que le tournant biopolitique décrit par Michel Foucault, tournant qui serait celui de la fin du XVIIIe siècle, et qui serait un tournant qui ferait évoluer les pratiques de gouvernement vers le gouvernement donc de la qualité, de la quantité de la population, eh bien ce tournant a été rendu possible et a été implémenté dans les termes du climat. Les monarchies, en effet, de la fin du XVIIIe siècle, ont un projet politique. Ce projet, c'est de dire, nous allons modifier les climats de nos pays pour modifier notre population et en améliorer la qualité. Et c'est notamment vrai en France, où la monarchie crée une société savante, la Société Royale de Médecine, pour étudier les climats de la France et leur impact sur la population. L'idée, c'est qu'on va pouvoir modifier ces climats pour modifier la population et l'améliorer. Comment modifier le climat? Eh bien, en asséchant, en coupant les arbres, en plantant des arbres particuliers, l'eucalyptus qui va être très important dans toute notre histoire. Bref, on va pouvoir faire une espèce d'ingénierie climatique à l'échelle du royaume et qui sera aussi une ingénierie biopolitique. On peut dire. Et cette idée va être très très forte, elle va être aussi très très forte sous le consulat, et puis on peut dire dans tout le premier quart du XIXe siècle. Alors, ça c'est lié à la réflexivité environnementale parce que, comme je l'ai dit, au XVIIIe et au début du XIXe siècle, on a cette idée qu'on peut modifier les climats en agissant sur les forêts, l'eau, les plantations. Et cette question des forêts va être essentielle. C'est véritablement le point focal de la question climatique au XVIIIe et au XIXe siècle. C'est cette idée selon laquelle, si je coupe des arbres, je transforme le climat. Cette question-là forestière et climatique va être essentielle au XVIIIe et au XIXe siècle, c'est vraiment un des lieux où les sociétés pensent leur rapport à l'environnement. Et ça commence dans les colonies, en fait, à la fin du XVIIIe siècle, dans les colonies notamment de l'océan Indien, où les colons français et anglais s'aperçoivent que, ayant coupé tous les arbres, notamment parce qu'il y a besoin de bois pour l'économie de plantation, ayant coupé tous les arbres, on a desséché les îles, et que ça provoque des catastrophes, qu'on appelle aujourd'hui hydrauliques, des manques d'eau, etc. Mais aussi, disent les administrateurs, que ça provoque une dégénération des individus et des animaux sur les îles. Et l'historien Richard Grove a identifié, à ce moment-là, dans ces îles, la naissance de l'environnementalisme occidental. Donc on ne parle pas de choses comme ça, anecdotiques. L'histoire environnementale a véritablement montré que tous ces problèmes autour de forêt et de climat étaient fondamentaux, tous ces problèmes sont fondamentaux pour l'essor de la pensée environnementale en Occident. C'est aussi dans ces termes, et c'est particulièrement ce qu'on a étudié, que va être posée la question du bilan environnemental de la Révolution française. En effet, au moment de la Révolution française, on abolit les régulations sur les eaux et forêts, et c'est une des grandes revendications des cahiers de doléances. Et donc, on a un grand mouvement de libéralisation qui concerne la forêt. Et notamment, on a de grandes ventes de grandes ventes de parties forestières qui sont concédées à des, essentiellement à la petite et à la grande bourgeoisie. Tout au long du XIXe siècle, on va avoir des luttes d'une extrême violence pour déterminer, pour savoir si au fond cette libéralisation, cette vente des forêts domaniales a été catastrophique ou non du point de vue du climat. Les partisans de la monarchie considèrent que la Révolution, en faisant cela, eh bien, a précipité le déclin non seulement forestier, mais aussi climatique de la France. Et que par conséquent, la population française elle-même s'est mise à décliner. Tout au long du XIXe siècle, ça va donc être une polémique véritablement très ardente qui va se structurer autour de cette question. Des penseurs comme Charles Fourier vont intervenir dans ces débats. En 1822, dans un texte assez magnifique qui s'appelle « De la détérioration matérielle de la planète », Fourier explique que le climat s'est déréglé suite aux déforestations et que la source de ce mal est sociale. Selon lui, c'est l'individualisme qui a mené au déboisement et donc à la dégradation climatique. Les désordres climatériques, écrit-il, sont un vice inhérent à la culture civilisée. Cette culture civilisée bouleverse tout par la lutte de l'intérêt individuel avec l'intérêt collectif. Et il conclut, il faut sortir de la civilisation pour sauver à la fois la forêt et le climat. Donc l'enjeu, on voit, est assez fondamental et mobilise largement des monarchistes aux socialistes utopiques. Ce qui est aussi intéressant, c'est que cette question met en jeu ce qu'on pourrait aussi appeler aujourd'hui le développement durable, l'idée de durabilité, puisque un des grands arguments des monarchistes au XIXe siècle, c'est de dire que la bourgeoisie ne sait pas gérer ses forêts parce qu'elle n'a pas, comme la noblesse, une inscription dans le temps long des généalogies, et que donc elle n'a pas cette espèce de capacité à gérer sur le temps. C'est un argument qu'on retrouvera dans énormément de conflits environnementaux, y compris contemporains, je pourrais y revenir. Cette idée, on pourrait appeler ça une sorte d'orientalisme temporel, c'est-à-dire l'autre, c'est toujours celui qui ne sait pas gérer le temps et donc qui ne sait pas gérer la durabilité. Le climat, on le voit, est essentiel en métropole au 18e et au 19e siècle. Il est aussi essentiel dans les colonies. Et c'est véritablement là, dans ce cadre climatique, que le rapport avec l'environnement colonial est pensé. La question fondamentale au XIXe siècle, c'est de savoir si l'homme blanc va pouvoir coloniser la planète, c'est-à-dire si l'homme blanc, allant habiter dans d'autres climats, ne va pas dégénérer. Et on a des. Par exemple, Jean-Christophe Boudin, hygiéniste du XIXe siècle, expliquait que s'il faut se faire autant tôt en Afrique australe et Esquimaux en Antarctique, c'est bien de l'acclimatement, mais c'est peut-être le payer un peu cher, sous-entendu pour le colon, qui devra se transformer et s'adapter à cet environnement. Donc, la chose paraît étrange, mais ces questions-là sont véritablement moteurs et déterminent les politiques concrètes coloniales au XIXe siècle, ce ne sont pas seulement des préoccupations comme ça théoriques qui s'exprimeraient dans les revues d'hygiène. Ce qui est aussi un point intéressant, à notre sens, c'est que le climat et cette idée de transformation du climat sert à justifier la colonisation. Et ça, c'est très vrai dans le Maghreb. C'est l'idée que la civilisation islamiste a dégradé les forêts, et donc l'environnement, et qu'elle a fait notamment de l'Algérie un désert, alors qu'au temps de Rome, l'Algérie était, selon un topos, selon un lieu commun, le grenier de Rome, un lieu où le blé poussait et qui était luxuriant. Et c'est un autre type d'orientalisme qui est donc là en jeu, c'est un orientalisme environnemental. Les colons français du XIXe siècle attribuent aux musulmans, à l'arabe, une incapacité à gérer son environnement, qui est attribuée au fatalisme islamique. Et c'est explicite dans les textes. Jean-Baptiste Bérard, en 1826, explique que, je cite, l'arabe est l'ennemi de l'art. L'arabe est l'ennemi de l'art. Et donc, l'exploitation coloniale peut être mise en scène comme une mission de régénération environnementale. Et ça, c'est un autre point aussi qui me paraît assez important et qui est lui aussi toujours très actuel. La notion d'orientalisme environnemental, cette question-là de qui sait gérer son environnement et comment, elle est au cœur de beaucoup de conflits environnementaux contemporains. On la retrouve aujourd'hui dans le conflit israélo-palestinien avec la question de la gestion des eaux. Explicitement, ces arguments sont donnés comme des arguments qui permettent notamment à Israël de capter des eaux qui sont, comme vous savez, un des grands enjeux de cette région. ce qui est aussi en jeu hein, dans ces colonies, c'est cette espèce de grand projet de géo-ingénierie environnementale hein, qui est caractéristique du colonialisme du 19e siècle. Cette idée qu'on va, par exemple, recréer une mer au cœur même de l'Algérie, pour redonner à l'Algérie sa fécondité. C'est le projet de l'officier colonial Roudert hein, en 1874, mais c'est quelque chose qu'on retrouve y compris au 20e siècle. Hein. Lorsque la France voudra essayer de négocier une indépendance séparée de l'Algérie et des régions sahariennes avec l'idée de refaire un Sahara luxuriant. Bon, il y a une thèse en cours aujourd'hui, donc c'est quelqu'un de Princeton, je crois, qui fait une thèse justement sur ces projets du 19e et du 19e siècle, des projets de transformation des territoires coloniaux à grande échelle. De façon d'ailleurs assez anecdotique mais cocasse, on retrouvait cette proposition dans le programme présidentiel de Cheminade, qui se référait à Roudert. Bon, il y a quelque chose un peu, il faudrait faire l'histoire culturelle de ça. Alors la chose intéressante, c'est aussi de voir hein, que la notion de climat au XVIIIe et XIXe siècle, c'est aussi ce qui a permis de penser en large partie les effets de l'industrialisation, de la révolution industrielle sur les corps. Et c'est pas quelque chose de tout à fait anecdotique, hein, vous l'imaginez bien, la grande transformation de la révolution industrielle, cette espèce de basculement hein, de notre monde vers un ailleurs, hein, et à ce moment-là, comme ça a été bien montré par mes collègues, notamment mon collègue Jean-Baptiste avec qui je travaille sur cette question, et puis d'autres comme Thomas Leroux, par exemple, qui a fait une thèse sur Paris au moment de la révolution industrielle, le basculement vers la révolution industrielle ne s'est pas fait du tout dans une espèce d'inconscience généralisée, avec la foi dans le progrès, ce qui était jusqu'à aujourd'hui le topos hein, sur la question, mais au contraire, que des luttes très très intenses ont opposé les ouvriers, les patrons, les administrations, tout au long du 19e siècle, et qu'on retrouve dans les archives des dizaines, des centaines de procès, des traces de protestations, y compris violentes, d'emprisonnement, de conflits, des textes hein, très nombreux, qui mettent en cause hein, le progrès technique et ses effets à la fois sociaux et médicaux. Ce qu'on appellerait aujourd'hui, on pourrait dire, aussi la question de la médecine du travail. Le terme n'est pas celui-là au 19e siècle, au début du 19e siècle. L'idée est que eh bien, tout simplement, toutes ces industries créent dans les ateliers des microclimats qui sont tout à fait particuliers et qu'on appelle aujourd'hui des environnements de travail hein, et qui transforment les corps de façon délétère. L'ouvrier confronté aux exhalaisons ou aux vapeurs, hein, par exemple, impliquées dans la fabrication du phosphore, va être physiquement transformé et on a des tableaux nosologiques, des tableaux des brûlures, par exemple, occasionnées hein, par ces exhalaisons. Et ce qui est demandé, eh bien, c'est une espèce de police des climats qui est en fait une police hein, de la production hein, qui permettrait de ne pas exposer hein, les ouvriers à cette menace et à cette action. Alors, c'est aussi quelque chose à double tranchant, hein, parce que notamment les hygiénistes du 19e siècle, qui sont très largement, comme ça a été bien montré, des médecins qui organisent hein, l'acceptabilité sociale de l'industrialisation, ces médecins vont pouvoir argumenter, en revanche, eh bien, que les climats des ateliers ne sont pas si nocifs, puisque les ouvriers pourront s'acclimater, et donc se transformer pour devenir en quelque sorte en bon accord avec ces climats. C'est notamment la thèse de l'hygiéniste Dupasquier, hein, qui écrit en 1846, « Les ouvriers s'habituent promptement » donc aux exhalaisons, aux vapeurs de phosphore, ils s'y acclimatent, et ils vivent ensuite au milieu de ces émanations, sans en être impressionnés comme au milieu de l'atmosphère la plus pure. Donc il y a vraiment un conflit hein, d'expertise, il y a un conflit qui est à la fois savant et politique autour de la question des climats industriels. C'est donc dire qu'au XVIIIe et au XIXe siècle, on a une espèce de catégorie qu'on appelle climat, qui ressemble à l'environnement contemporain, c'est-à-dire, qui sert à penser l'industrialisation, qui sert à penser la colonisation, qui sert à penser le déboisement et ses effets sur les équilibres naturels, qui sert à penser le rapport entre, disons, l'homme et son milieu, en des termes qui sont des termes savants, mais aussi politiques et administratifs. Alors, c'est assez compliqué, hein, parce que la définition du climat est en jeu, et et à chaque moment, et chaque communauté savante a sa propre définition. Le point sur lequel je voudrais insister aussi, c'est que dès ce moment, on a l'idée de changement climatique à très grande échelle. Les gens comme Fourier, mais aussi d'autres, considèrent que le fait, par exemple, qu'on ait coupé les forêts en France, eh bien, ça ne change pas seulement le climat à l'échelle locale, mais aussi ça change le climat de la France, et de l'Europe, et du globe. Et donc la globalisation des approches environnementales, qui est souvent décrite pour le XXe siècle, elle a déjà des prémices au XIXe siècle. On a, sous la plume d'ingénieurs ou de savants, la description de ces grands cycles de l'eau qui concernent à la fois le pôle, la France, l'Europe, les Amériques. Cette idée du climat, d'un climat environnement, elle va décliner à la fin du XIXe siècle et elle va peu à peu se décomposer, on peut dire, sous l'effet de plusieurs phénomènes. Alors évidemment, la révolution pasteurienne qui attribue aux microbes le rôle moteur dans les maladies. On n'a plus besoin d'aller chercher dans l'environnement les causes des maladies. Ce qui est un tournant, mais qui est aussi une forme de perte, puisqu'on a en quelque sorte une sorte de déclin de la composante environnementale de l'approche médicale. Et on revient dernièrement beaucoup sur ces questions. On a évidemment les mutations sur l'hérédité, et à partir du moment où on pense que l'hérédité ne peut pas être influencée par l'environnement, mais qu'elle est transmise par la reproduction, ça c'est ce qui est décrit par exemple par Mendel à la fin du... Vous savez, les petits pois de Mendel sont les petits pois, les croises, etc. Et puis bien sûr plus tard par l'ADN, cette idée que... c'est dans l'intérieur, en quelque sorte, des individus qu'on a la vision de l'identité biologique, c'est pas de l'extérieur. Le climat devient moins important. Et puis, on a une espèce de mutation, un passage dans l'histoire du climat vers des temps très longs. C'est dans la deuxième moitié du XIXe siècle qu'émerge la théorie des âges glaciaires, avec l'idée que l'homme, désormais, est pris dans une espèce de grand cycle, avec des grandes glaciations, et... En 1885, au Congrès international de géologie de Berlin, eh bien, les géologues déclarent qu'on vit, nous, société humaine, dans l'ère de l'Holocène. L'Holocène, c'est quoi? C'est une espèce de moment de radoucissement entre deux grandes ères glaciaires. Pourquoi je le mentionne à ce point un peu technique? C'est parce que, précisément, l'anthropocène de Crozen, c'est une façon de dire qu'on passe de l'Holocène à l'anthropocène. Donc c'est une façon de dire qu'on passe de cette espèce de situation où l'homme est prisonnier des grands cycles géologiques, à une situation où l'homme devient maître du système Terre. L'histoire du climat comme lieu de pensée et de réflexion environnementale, c'est donc quelque chose un peu, on va dire, comme ça, c'est-à-dire avec le 18e, 19e siècle, un moment de très très grande importance de la notion de climat, dans le sens que j'ai défini au départ. Ensuite, l'espèce de déclin de cette notion qui devient marginale, on s'intéresse au climat, parce qu'on s'intéresse essentiellement au lieu où on peut planter telle ou telle espèce végétale, mais ça devient moins important entre 1880 et 1960-70. Et puis, évidemment, le retour de la question climatique sous une autre forme, avec une définition différente, avec la question du changement climatique. Donc mon point, il est un peu compliqué sur la question climatique, parce que je parle de climat, mais pour faire peut-être un autre point. C'est pas dire que le changement climatique, c'est quelque chose qu'on a toujours pensé, ça je ne crois pas du tout. Le changement climatique conçu au XVIIIe siècle, celui que j'ai décrit, il n'a rien à voir avec le changement climatique contemporain, qui est lié au CO2. Mon point, c'est vraiment de dire que la réflexivité environnementale, au XVIIIe et au XIXe siècle, est bien plus importante que cela a toujours été dit. Et pourquoi c'est important? Parce que ça permet de retrouver, finalement, derrière, par exemple, l'exemple le plus net, c'est pour la révolution industrielle. L'idée d'une révolution industrielle qui aurait tout transformé comme ça, dans une espèce de consensus, à la fois les environnements et les êtres, et les conditions de travail, eh bien on voit qu'en fait, on a des luttes sous-jacentes qui prennent la notion de climat comme une catégorie importante, et qui sont sans cesse à l'œuvre. Jean-Baptiste dit... Tu me dis, c'est pas l'histoire, la révolution industrielle, c'est pas l'histoire, parce qu'il travaille spécifiquement là-dessus, c'est pas l'histoire de l'inconscience, c'est l'histoire de la production d'une invisibilité, celle des luttes. C'est-à-dire, on a produit une forme d'invisibilité des luttes, on a réécrit une histoire, qui a été partagée d'ailleurs par la pensée environnementale, une histoire qui était une histoire culturaliste en fait, une histoire qui disait, jusqu'à présent, on ne s'était pas rendu compte qu'on dégradait l'environnement, mais ça y est. Maintenant, on a acquis cette conscience et on va pouvoir transformer notre rapport à la nature. Je pense que ça, c'est essentiellement faux et que c'est un discours qui a des effets dépolitisants majeurs. C'est donc essentiellement la réponse qu'on a faite du coup à Chakrabarti. Le deuxième volet de cette réponse, ça aurait pu être une critique de ces catégories, notamment cette catégorie d'espèces qui commençait extrêmement chargée et qui est notamment au cœur de la question raciale, de l'histoire des doctrines raciales depuis le 19e siècle, c'est-à-dire certes espèces, mais comment définir ces espèces? Dire qu'on a une espèce, c'est pas dire forcément qu'on a notamment une unicité. On peut penser, comme ça a été le cas, la notion de variété au sein de l'espèce humaine, ou de version dégénérée de l'espèce, bref. Bien des doctrines raciales se sont appuyées sur cette notion d'espèce, et il faudrait au moins essayer de la déconstruire. Ce que le Chakrabarti ne fait pas. Alors la deuxième partie de notre travail, c'était quelque chose qui est moins avancé, j'avais donné un résumé un peu ambitieux en disant que j'avais parlé aujourd'hui des liens entre changement climatique et guerre froide, donc la deuxième partie de l'histoire, pas celle du 18e, 19e, mais celle d'après 45. Je peux donner ici quelques éléments quand même pour y revenir, peut-être si ça vous intéresse particulièrement. C'est aussi une façon de revoir cette histoire du climat et de la repolitiser, en subvertissant un tout petit peu la narration habituelle sur le changement climatique qui est tournée vers le progrès scientifique qui a mené les climatologues à découvrir l'existence d'un changement climatique global. Cette histoire-là est vraie, bien sûr. Elle a cependant une espèce de part un peu plus, moins connue, et qui est le rapport entre, comme je l'avais écrit dans le résumé, entre guerre froide et changement climatique. Parce qu'on voit très bien, si on suit cette question depuis 1945, que c'est bien dans le champ militaire que la question du changement climatique a émergé en premier, notamment parce que les États-Unis avaient en vue que la grande bataille, la bataille décisive, ça serait sans doute la bataille de chars au pôle Nord, la bataille de chars qui allait affronter, en tout cas c'est la doctrine américaine, entre 1947 et la fin des milieux des années 50, et que donc la question des glaces et de la transformation de ces glaces est quelque chose de fondamental. Quelque chose qui est aussi fondamental, et aussi c'est des histoires de l'environnement, on en a souvent parlé, c'est la question nucléaire. Il faut bien réaliser que, après Hiroshima et Nagasaki, toute la série des explosions nucléaires, d'essais américaines et soviétiques, c'est une façon de faire une expérimentation avec la planète. On expérimente juste, on fait des expériences à l'échelle de la planète. Par exemple, Starfish, en 1962, on fait exploser une bombe nucléaire dans la stratosphère, on crée une aurore boréale et on crée un nouveau champ de particules qui va durer plusieurs années à l'échelle de la planète. J'ai parlé tout à l'heure de Plochère, bon, ça c'est un peu différent, le plus grand cratère terrestre qui a été créé dans le désert du Nevada. Donc on a une espèce de géo-ingénierie massive et tout ça va avoir des conséquences très très nettes. Dans le champ scientifique, beaucoup de travaux classifiés vont porter sur les effets d'explosion nucléaire sur le climat et l'atmosphère, tout au long des années 50, 60, 70. Est-ce que les explosions nucléaires peuvent transformer le climat à l'échelle de la planète? On a des échos de ça dans de la littérature non classifiée, notamment la littérature sur les dinosaures, la fameuse thèse sur l'astéroïde qui tombe sur la Terre et qui change le climat global, et qui fait que les dinosaures, c'est un sous-produit, en fait, on peut essayer de se montrer, c'est un sous-produit de ces études classifiées sur l'impact des explosions nucléaires sur le climat. Et dans toutes ces histoires, ce qui est fascinant, c'est qu'on retrouve des personnages, comme par exemple Paul Crutzen, qui est impliqué tout au long de ces années dans la chimie de l'atmosphère et qui a des contrats avec le département de la défense américain. Il est fondamental. Il est fondamental aussi dans une affaire dont vous avez sans doute entendu parler, l'affaire de l'hiver nucléaire. C'était une thèse des années 80, disons qu'en cas de frappe nucléaire, on aurait un changement du climat à l'échelle globale qui allait faire périr à peu près toutes les espèces vivantes. Ça, c'était une thèse qui était défendue par des partisans du désarmement, qui s'opposaient plutôt à l'establishment militaire américain. Mais ils étaient dans cette même logique de l'impact de l'atome sur l'atmosphère. Paul Crutzen, encore une fois, a été un de ceux qui ont le plus œuvré pour la théorie de l'hiver nucléaire. Il était dans tous ces débats. Pourquoi aussi ça a des applications contemporaines? C'est parce que tous ces gens Paul Crutzen, mais aussi Carl Sagan, qui était un de ceux de l'hiver nucléaire, et voilà, tout un ensemble de personnes qui étaient impliquées dans ces études, vont être, à partir des années 90, importants dans l'émergence d'une nouvelle solution au changement climatique. Une solution qui est aujourd'hui discutée et importante, c'est la solution de la géo-ingénierie. C'est-à-dire, puisqu'on n'arrive pas à limiter nos émissions en CO2, qu'est-ce qu'on va faire? On va climatiser la planète. Et ce sont des projets qui sont effectivement discutés et très sérieusement. Paul Crutzen n'est pas seulement l'inventeur de la notion d'anthropocène, c'est aussi celui qui a proposé de continuer à émettre du CO2, mais par contre d'injecter de grandes quantités de composés soufrés dans la haute atmosphère pour contrebalancer cet effet. Assez significativement, le dernier rapport les dernières simulations du GIEC commencent à intégrer ce type d'intervention dans ces modèles. Ils ont simulé l'évolution du climat sous contrainte de climatisation artificielle. Évidemment, les menaces sont multiples. D'abord, si on s'arrête de climatiser, la température monte immédiatement. Et comme on a continué à émettre, on peut avoir non pas des sauts de 5 degrés, mais de 10-15, donc imaginez des sauts qui détruiraient complètement, d'un coup, la biosphère. Et puis aussi, ce sont des solutions qui ne demandent évidemment aucune évolution de nos sociétés carbonées, c'est-à-dire ça permet d'éviter, en gros, de faire une révolution environnementale ou écologique. Et puis, c'est l'application aussi, aspect effrayant, c'est l'application d'entreprises privées projets. La plus grande réunion à propos de la géo-ingénierie, c'est qui a eu lieu, donc c'était il y a 2 ou 3 ans, aux États-Unis. Il y avait bien sûr le département de la défense américain, il y avait la NASA, etc. Il y avait aussi des représentants de Google, des représentants de grands investisseurs, et l'idée d'un partenariat public-privé dans la géo-ingénierie planétaire a été abordée dans ce contexte. Si ça vous intéresse, non, c'est pas celui-là. Il y a un livre assez intéressant, Fixing the Sky, qui est paru de Jim Fleming sur la question de la géo-ingénierie. Il termine, il était présent lors de la conférence dont je viens de parler. Il termine là-dessus. L'autre aspect aussi, c'est que c'est dans cette espèce d'établissement scientifico-militaire américain qu'on retrouve aujourd'hui aux États-Unis les plus grands partisans du climato-sceptisme. Et ça, alors ça a été montré par ce livre, vous avez peut-être entendu parler. Naomi Oreskes et Eric Conway, Merchants of Doubt, donc les marchands de doute, où elle montre bien que le climato-sceptisme américain est très lié, oui voilà, traduit, voilà, je suis français, traduit par, le climato-sceptisme américain est très lié à cette... très lié à ce complexe militaro-industriel américain, avec cette idée qu'on peut véritablement être maître du climat à l'échelle globale. Donc elle montre très bien que ce sont des gens qui étaient auparavant impliqués dans la guerre des étoiles de Reagan, mais aussi avant, dans d'autres affaires, comme le fait de nier les effets nocifs du tabac, et puis aussi le fait de nier la déplétion de la couche d'ozone, enfin des gens qui ont toute une carrière, qui naviguent entre la production des armes nucléaires et puis des emplois, ils étaient employés par des lobbies, Cigartier, lobby des CFC, etc. Donc c'est assez intéressant de voir ça, c'était un peu le point que je voulais souligner aussi dans la deuxième partie de mon histoire. L'histoire du changement climatique et de son essor, c'est pas seulement la jolie histoire de la prise de conscience d'un changement climatique par des climatologues conscient de la dégradation de l'environnement, c'est aussi une histoire un peu plus sombre, celle de la guerre froide et de ses retombées jusqu'à aujourd'hui. Voilà, bon, essentiellement ce que je voulais dire aujourd'hui. Pour finir quand même, en quoi ça sert aux pensées critiques ? Historiciser, c'est quand même, pour conclure ça, pour historiciser, ça veut dire révéler les luttes du passé, celles qui ont fait qu'il y a eu des perdants et des gagnants, et que la question environnementale, c'est pas une question de prise de conscience, mais c'est une question de rapport de force. Et ça, je pense que c'est, on peut dire, c'est le point de ma conclusion générale. Et le fait de dire aussi qu'il s'agit, je pense, qu'il est important de continuer à historiciser et à déconstruire les catégories savantes elles-mêmes, y compris quand ces catégories savantes sont celles qui permettent le diagnostic environnemental lui-même. C'est-à-dire, il est important d'avoir un diagnostic scientifique pour dire, voilà, il y a des dégradations sur le climat, sur la biosphère, sur l'environnement en général, mais il ne s'agit pas non plus de tomber dans le scientisme et de prendre ces diagnostics scientifiques comme ça, comme des données qu'on ne pourrait pas interroger. Il faut toujours les déconstruire, parce que ce que montre aussi l'histoire environnementale, c'est qu'il y a toujours engrammé dans ces diagnostics des politiques implicites et qui sont très importantes, et qui jouent parfois un rôle plus important que les décisions politiques explicites. Je citerai l'exemple, par exemple, des pêches. On a beaucoup travaillé sur les négociations internationales sur les pêches, négociations explicites sur la surexploitation, et en fait, l'historiographie montre bien que c'est essentiellement dans le détail des modèles de pêche que tout s'est joué dans les années 50 et 60. C'est vraiment sur... On parle d'équations, on parle de quantification, et c'est avec notamment la notion de rendement optimum constant, qui paraissait comme quelque chose, un outil scientifique, qui a été organisé la dépression des ressources halieutiques. Donc il faut aller y voir, il faut ouvrir les modèles, ça demande de rentrer dans la technicité, mais je pense que c'est important. Merci. On va prendre 5 minutes de pause comme d'habitude pour appuyer sur vos questions qu'on va te poser ensuite. Et puis on va...